Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Christian Dior, l'avant-garde de la mode dans la France de l'après-guerre. On peut peindre plusieurs fois le même tableau. On peut construire 100 fois la même maison. On ne peut jamais faire deux fois de suite la même robe. Il n'y a pas de métier, ou plutôt, on pourrait presque dire d'art, où l'effort de création soit aussi grand. Christian Dior, dans le documentaire réalisé par Frédéric Mitterrand en 2016, Christian Dior, la France. Christian Dior est sans contredit l'un des plus grands créateurs de mode du 20e siècle, mort prématurément en 1957 à l'âge de 52 ans seulement. Christian Dior a réussi en une petite décennie à révolutionner la mode. Brillant couturier, homme d'affaires redoutable, il a vite percé le marché américain. Les plus grandes vedettes d'Hollywood vont porter ses créations et il devient le premier couturier à faire la une du magazine Times. À sa mort, c'est un véritable empire qu'il laisse en héritage à ses successeurs. Si on ferme les yeux et qu'on essaye de faire table rase dans le paysage de la mode au 20e siècle, au fond, on va voir deux modèles qui apparaissent. D'un côté, ça serait Chanel et Dior. L'allure de Chanel, hein, comme disait un livre de Paul Morand, c'est une femme qui va dans le monde, qui bouge, c'est une femme qui prend une partie des vêtements masculins parce qu'elle s'empare aussi d'une partie des prérogatives masculines, le travail, la conquête de l'espace, la rue, les bureaux. Et puis il y a Dior qui prend en quelque sorte le contre-pied de ça et qui restaure une féminité qui avait été abandonnée par Chanel. C'est-à-dire en faisant appel aux images, à ça, comment dire, de son enfance, aux femmes de son enfance, à la fin du 19e siècle. Grosso modo, une féminité qui est hyper fétichisée depuis le Second Empire jusqu'à Poiret, jusqu'au moment où le corset va disparaître. Donc, on voit bien que là, c'est un autre pôle de l'univers féminin qui est remis sur la scène, qui est remis en... Parce que là, c'est une véritable scène. Chez Chanel, au fond, la scène, c'est la rue, alors que chez Dior, la scène, c'est le salon. L'historien de la mode, Farid Chenoun, dans le documentaire d'Antoine Lachant, « Le New Look aux origines de l'histoire de Dior », diffusé à France Culture en avril 2012, pour nous présenter le parcours, le travail également de Christian Dior. Je reçois le journaliste de mode, Stéphane Leduc, qui est aussi directeur pédagogique de l'École Promédia, chargé de cours également à l'École supérieure de la mode de l'Université du Québec à Montréal. Stéphane Leduc, bonjour. Bonjour. Alors, vous le placez où, Stéphane Leduc, Christian Dior, parmi les grands noms de la mode au 20e siècle? Oui, je dirais qu'il fait partie des immortels avec Chanel, avec Yves Saint Laurent. Il fait partie des noms qu'on connaît immédiatement. Même quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la mode va connaître Christian Dior. C'est un nom qui fait rêver parce qu'il a marqué l'histoire par son sens de l'innovation, sa créativité, son audace. C'est le savoir-faire français aussi, et ça c'est important de souligner, une technique incroyable. Oui. Et on y reviendra, mais une petite dizaine d'années, une révolution en 10 ans, c'est quand même assez incroyable. Un petit mot sur son style, pourquoi il est si unique, pourquoi il se distingue autant, à quoi est-ce qu'on reconnaît une robe Dior, Stéphane Leduc? Mais je dirais que c'est d'abord un style très architectural, parce que pour Dior, c'était comme une maison, donc la construction est importante. Donc c'est d'abord cet aspect. C'est aussi un style très, très féminin. Après la guerre, les femmes avaient besoin de rêver, et je pense que c'est ce que Christian Dior a très bien compris. Donc abondance de tissus, des tissus très luxueux, une maîtrise technique incroyable, le gris qui est très présent, le rose, les fleurs, qui est un thème favori. Donc je dirais que c'est ce sens de la féminité sublimée qui représente vraiment le style Christian Dior. Ouais. Et puis les traces, on l'a déjà entendu depuis le début de cette émission, les traces de son enfance qui vont vraiment le poursuivre, mais dans le bon sens du terme, au fond, l'inspirer tout au cours de sa vie. On écoute un petit extrait à ce sujet-là de l'émission « Des racines et des ailes » diffusée en octobre 2017. C'est l'attachement d'un petit garçon pour sa première maison, la maison où il a fait ses premiers pas, qu'il va le marquer à jamais dans un cadre absolument privilégié. Et il va être marqué par la couleur de cette maison en particulier. Ce rose très doux, ce crépi d'un rose très doux qu'il y a sur la maison et qui va l'inspirer en couture puisque le rose deviendra une de ses teintes de prédilection que l'on retrouve très régulièrement sur les collections, sur les différents modèles haute couture qu'il va créer. Plutôt que de lire des romans dont il avait, semble-t-il, pas trop le goût, il se complaisait dans la lecture des catalogues de Grenetier. et il lisait des catalogues de fleurs, voilà. Et ça va ensuite, bien sûr, beaucoup l'inspirer, puisque la célèbre silhouette de ce qu'on a appelé le New Look, donc cette fameuse première collection de Christian Dior en 47, sera associée à cette silhouette de femme fleur. Christian Dior est resté très très marqué par cette maison dans laquelle il a fait ses premiers pas. Il en garde un souvenir extraordinairement fort, à tel point qu'il dira qu'il doit tout à sa situation et à son architecture. La conservatrice du musée Dior, Brigitte Richard, à l'émission Des Racines et des Ailes, diffusée donc en octobre 2017. Quel genre d'enfance il a, Christian Dior, Stéphane Leduc, et de quelle manière cette enfance-là sera si importante pour la suite des choses? Oui, c'est une enfance très heureuse à Granville, en Normandie, avec une maison magnifique qui domine l'océan. Et cette maison va être un jardin d'enfance aussi, parce qu'il y a un jardin anglais dans lequel il aime se promener. Sa mère adore les fleurs, elle va lui enseigner l'amour des fleurs, qui deviendra par la suite une grande source d'inspiration. Et cette enfance avec une famille bourgeoise lui permet aussi de lui laisser du temps pour rêver. Et je pense que c'est ce rêve et cet imaginaire qui va construire un peu son univers par la suite. C'est aussi un lieu magique qui est très, très beau. Et je pense que cette situation a été assez particulière dans le développement à la fois de sa culture, de sa connaissance et de son amour de tout ce qui était beau et tout ce qu'il trouvait autour de lui. Donc, une enfance très heureuse dans une grande famille bourgeoise. Avec cette... tous les artistes ont ça. On parle d'une éponge, hein, cet enfant qui puise des couleurs qui vont le suivre toute sa vie, qui puise, vous le disiez, l'amour des fleurs, ce motif qui va se retrouver dans ses robes. C'est ça aussi l'enfance de Christian Dior. Oui, et le fait d'être très aimé, j'ai l'impression, une mère qui l'adorait, qui lui demande même de l'aider dans l'aménagement du parc et du jardin. Et c'est une famille qui aussi regarde vers la ville, parce qu'ils sont entre Paris et Granville. Donc, c'est cette vie urbaine aussi, cette découverte. Et il ne faut pas oublier que c'est la belle époque. Il est né en 1905, donc il a connu d'une certaine façon cette époque dorée parisienne où il y a beaucoup d'artistes et de grands changements sociaux. Il est très curieux, il découvre beaucoup de choses. Il arrive quoi dans ce Paris-là pour s'y établir, entre guillemets, au début des années 20, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'artistes aussi. Je pense que ce côté curieux, qui aime découvrir, il fait la rencontre de Jean Cocteau, le poète Max Jacob aussi. Et c'est peu à peu ce développement de cette rencontre avec l'art qui le fascine. Mais ses parents le destinent plutôt à une carrière diplomatique. Il l'envoie faire l'école des sciences politiques, mais il va quitter avant de terminer son diplôme. Et c'est là qu'il développe réellement un intérêt pour l'art et qu'il décide de fonder une première galerie d'art en 1928. Il en aura une autre en 1931. Et c'est l'idée de représenter les artistes de son époque. Et ça, les gens ignorent ses grands amours des tableaux et des grands peintres contemporains, dont Picasso, Braque, Matisse, mais aussi Salvador Dali et Christian Bérard aussi. Et c'était intéressant de voir qu'à cette époque, ces peintres étaient très peu connus. Donc, c'est un peu le malheur aussi de Christian Dior, parce qu'il ne fera pas d'argent, malheureusement, même s'il expose des toiles magnifiques, dont la fameuse toile Les Montres Molles, qui est devenue l'emblème même de Salvador Dali. Il n'arrivera pas à le vendre, donc très peu d'argent, et il vit dans une très grande pauvreté, obligé de fermer d'ailleurs la galerie par la suite. Et de cette activité de galeriste, qu'est-ce qui le conduit éventuellement à la mode? Oui, le lien se fait probablement par cette curiosité qu'il a toujours eue d'observer les artistes autour de lui, de voir leur travail. Et c'est un ami qui le fait dessiner et qui l'incite à produire des dessins en lui disant qu'il peut vendre probablement ses dessins aux journaux, surtout s'il reproduit les dessins de mode. Et c'est comme ça qu'il débute vraiment. Le journal Figaro, d'ailleurs, lui achète quelques dessins. Et par la suite, un premier couturier accepte ses dessins. Et c'est ainsi que s'ouvre une nouvelle voie pour lui. C'est Robert Piguet qui était nommé le prince de la mode à l'époque. Et il commence à dessiner. Il travaille pour lui par la suite. Il fait même quelques pièces de collection. Il y a un tailleur en pied de poule noir et blanc qui deviendra un peu son succès. Et même un emblème qui se retrouvera plus tard, bien des années plus tard, sur le flacon Miss Dior. Mais c'est intéressant de voir comment ce contact avec la mode s'est fait très rapidement et de façon très instinctive. Et par la suite, c'est Lucien Lelong, qui était un des plus grands couturiers français à l'époque, pour qui il va travailler avant de devenir lui-même un grand couturier. Oui. Et c'est donc le 12 février 1947 qu'il réussit, avec l'aide, en fait, il faut bien le dire aussi, de Robert Boussac, mais qu'il réussit à créer sa maison. Il l'a créé en 1946 et en 1947, il présente sa toute première collection. C'est un triomphe instantané. Je vous propose d'écouter le récit que fait Dior lui-même de ce défilé magique, extrait de l'émission Rendez-vous à 5 heures, diffusé en juin 1956, au moment où est publiée l'autobiographie de Christian Dior. On entend donc un extrait de la lecture du passage de ses mémoires où Dior raconte ce fameux défilé de février 1947. À 10h30, les salons étaient pleins à craquer. Le défilé commença. Marie-Thérèse, morte de frayeur, se trompa au premier tour, revint en sanglots et fut dès lors incapable de passer une robe. Très vite, la sortie des modèles s'accompagna de rafales d'applaudissements. Je me bouchais les oreilles, car les premiers bravos font toujours peur. Je n'osais pas y croire. Mais de brefs bulletins se succédaient, me confirmant les progrès de mes troupes menées tambour battant par Tania, sacrée vedette. La dernière robe passée dans l'enthousiasme, Madame Marguerite, Madame Bricard et moi, nous nous regardions dans la cabine sans pouvoir parler. Raymonde vint nous y chercher, pleurant de joie. Pour nous pousser dans le grand salon, où nous fûmes accueillis par un ouragan de bravo. Quoi qu'il puisse m'arriver d'heureux dans la vie, rien ne pourra dépasser ce que j'éprouvais à ce moment-là. Alors, c'est presque émouvant d'entendre cet extrait, Stéphane Leduc. À quoi ça ressemble, cette première collection, qui est un triomphe, donc, cette première collection de Christian Dior en 1947, et pourquoi elle suscite un tel enthousiasme? J'adore cet extrait parce qu'on sent l'émotion aussi et le propos qui décrit probablement un sentiment qui devait être incroyable pour lui parce que c'est une première collection, tous les yeux sont centrés sur lui et c'est un succès immédiat. Il ne s'attendait pas du tout à ce succès. Les journalistes sont à l'affût, les gens sont curieux et c'est une grande journaliste, Carmen Snow, qui est présente pour le magazine Harper's Bazaar. Elle est la rédactrice en chef. Et elle veut dire cette fameuse phrase « Your dresses have such a new look ». Elles ont tellement un nouvel aspect, elles sont tellement innovatrices. Et le mot va rester. Et c'est vraiment parce que c'est une mode qui fait une coupure avec la mode précédente, la mode pendant la guerre aussi, qui était très carrée, les épaules très larges, les tissus, naturellement, il y avait beaucoup de... une époque de rationnement, donc très peu de tissus. Donc le contraste est énorme et c'est ce qui fait qu'on appelle maintenant cette période une révolution et qu'il a été révolutionnaire. Il a cassé les codes, il a remis en question ce qui s'était fait précédemment et il a ouvert la porte à une nouvelle voie. Et c'est vraiment un tremblement de terre. On arrive peu à imaginer cette force et cette puissance qu'a eu ce premier défilé un mois de janvier, très froid, et la réaction du public. Et il y a un tailleur qui va devenir ce tailleur symbolique qui s'appelle le tailleur Bar. Et d'ailleurs, la collection s'appelait la collection Corolle, donc cette forme très féminine. Et le tailleur, pour le décrire, c'était une jupe qui rappelait les fleurs. C'était très évasé. C'était plissé avec une veste cintrée. La taille était très fine, on voyait. Et il y avait énormément de tissu, 12 mètres de tissu, ce qui était une aberration aussi pour l'époque parce qu'il y avait eu le rationnement juste avant. Donc, avoir autant de tissu, et la robe était assez longue, la jupe était longue. Donc, ça aussi, ça fait un peu une controverse parce que certains disaient que c'était une dépense inutile. Il y avait beaucoup de travail derrière ce vêtement. Oui. Et ça, c'est entré dans l'histoire, en fait. Et ce défilé de 47, ce n'est que le début de cette révolution dont vous parlez. Oui. Je le disais il y a quelques minutes, mais c'est assez incroyable. D'abord, il est ultra créatif. Chaque collection porte un titre, oui, un thème. Et ça va durer que 10 petites années. Mais ce sera une révolution. Ce qui est assez troublant et fascinant à la fois, c'est-à-dire d'avoir seulement 10 ans. J'aurais été curieux de savoir comment sa carrière se serait poursuivie, sûrement de très belles façons, parce qu'il était d'une grande avidité de toujours innover, de toujours découvrir. Mais en 10 ans, d'arriver à s'établir à travers le monde, de voyager, d'aller à la rencontre des gens et de créer des collections qui, à chaque fois, se voulaient différentes, voulaient innover, mais qui, en même temps, se complétaient, contrairement à l'impression générale. Donc, il y avait cette volonté de créer une véritable garde-robe Dior. Et cette silhouette a su évoluer d'une taille très cintrée. Elle est devenue beaucoup plus souple par la suite. Et par la suite devient ce qu'on a appelé la ligne H, d'ailleurs, donc avec une taille beaucoup plus reliée à la réalité. Donc, il savait évoluer avec son époque et l'évolution des femmes aussi, d'avoir un besoin de bouger aussi, d'avoir une certaine facilité dans le voyage et dans les déplacements aussi. Ouais. Il est un formidable designer. Il est aussi un redoutable homme d'affaires, Christian Dior. Et très, très tôt, il a cet instinct de se tourner, non seulement de se tourner, mais de conquérir le marché américain. Qu'est-ce qui le mène là? Il a décidé, en fait, étant donné que la presse anglo-saxonne a très, très bien réagi, je pense que les États-Unis sont tout de suite intéressés. Il y avait aussi là-bas ce besoin de renouvellement, de changement, et cette fascination pour Paris, naturellement, qui était le centre de la mode. Donc, il remporte un Oscar de la mode et il va à Dallas recevoir cet Oscar de la mode donné par la maison Neiman Marcus, qui était le grand magasin de l'époque. Et par la suite, il réalise que les États-Unis, c'est un vaste marché qui va pouvoir le conquérir, mais en créant une division à New York, qui s'appellera Christian Dior New York, qui existe toujours d'ailleurs, qui permettait de vendre des robes aussi à un prix plus abordable. Et l'idée des licences arrive peu à peu. Donc, il est très à l'affût du commerce des vêtements. Donc, il crée différentes licences pour des bas de nylon, pour des foulards, des gants. Et par la suite, tout cet esprit de licence va permettre un développement énorme. Et aussi, il accepte la reproduction, c'est-à-dire qu'il va donner des licences à de grands magasins pour pouvoir reproduire les robes à un coût beaucoup plus abordable parce que les robes étaient énormément taxées par les Américains à l'époque. Donc, autant son point de départ, son inspiration, sa pulsation, elle est très, très haute couture, une femme ultra féminine, des maîtres et des maîtres de tissu, autant il a ce côté très moderne de savoir mettre en marché ses créations. Ah oui, c'est frappant et c'est même, il sait s'approprier certaines grandes actrices de l'époque. Et ça aussi, c'est un sens du commerce incroyable en approchant Marlène Dietrich pour les bas nylons parce qu'elle était considérée la femme avec les plus belles jambes. Donc, c'était très futé de sa part de signer une entente avec elle. Et ces actrices vont s'habiller naturellement dans sa boutique, vont le rencontrer. Il y a de grandes actrices comme Rita Hayworth, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Lauren Bacall et Marlène Dietrich qui va porter du Dior pour un de ses films, un film avec d'Alfred Hitchcock pour Le Grand Alibi, ce grand film de 1950. Et Montréal n'est pas en reste, Stéphane Leduc. Très vite, Dior vient également à Montréal. Oui, ça, c'est formidable de voir qu'il y avait ce lien. On a toujours l'impression que le Canada ou Montréal était en retard, mais bien au contraire. Des licences. En fait, il vient en 47, donc très tôt, chez Eaton, présenter cette fameuse collection New Look. Et ça, c'est formidable de l'apprendre. Et également, par la suite, le magasin Morgan va avoir ses collections. Mais surtout, en 1951, Holt Renfrew signe une licence exclusive qui permet la reproduction des modèles dans les ateliers de Montréal. Donc, ça prouve que Montréal avait ce talent et ses chefs d'atelier, ces femmes qui savaient travailler le tissu et créer des robes aussi magnifiques que celles de Paris. Donc, il y avait vraiment un centre culturel et un centre de mode qui était à Montréal et Dior en faisait partie. Et en fait, très rapidement, il va devenir donc Montréal, Paris, New York, Londres. Il devient très, très vite, ça devient la multinationale que c'est assez rapidement Dior. Et il sera à l'époque, donc dans les années 50, déjà la moitié des exportations de mode française sont signées Dior. Les années 50, c'est vraiment son âge d'or. Il est à son zénith et c'est à ce moment-là qu'il prononce une conférence devenue historique à la Sorbonne. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois, des principes d'architecture. Une des matières dont vous avez parlé tout à l'heure et dont je dispose, le tissu, les tissus, m'y ramène sans cesse. Ce n'est pas un vain mot de parler de l'architecture d'une robe. Une robe se construit, et elle se construit selon le sens des tissus. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Le tombé d'un tissu et la ligne d'équilibre d'une robe résultent de ce tombé et fonction du sens du tissu. Il ne sera pas le même si le tissu est employé, pour reprendre les mots dont nous nous servons tous les jours, en droit fil ou en biais. Le droit fil et le biais sont les deux sens principaux. Le droit fil est, si vous le voulez, le sens classique, et le biais peut être considéré comme une sorte de sens baroque. Les façons dont on utilise les sens du tissu, dont on passe de l'un à l'autre, c'est là, je le répète, un des secrets de notre métier. Et c'est par la coupe qu'on amène le sens choisi sur tel ou tel endroit du corps que l'on veut ou non mettre en valeur. Donc, archive, encore une fois, assez formidable. C'est assez fascinant ce qu'on vient d'entendre dans cette archive, Stéphane Leduc. Qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on vient d'entendre, sur Dior, mais aussi sur sa vision de la mode et de la haute couture? Il faut d'abord souligner que très peu de couturiers présentaient à la Sorbonne, donc oui. C'est une accolade de tout le milieu intellectuel, et ça, je trouve ça formidable, surtout à une époque où la mode pouvait être considérée comme superficielle. Et dans son travail, ce qui est fascinant, c'est de voir que c'était une science, et plus que de l'art encore. Quand il l'explique, on a vraiment l'impression presque d'un ingénieur qui nous parle de la structure, des matériaux qui sont utilisés. C'est un cours d'architecture pratiquement. Et ça, c'est très, très intéressant de voir cette comparaison qu'il fait et la façon très rigoureuse, sa façon, parce qu'il y avait une mode très fantaisiste à la fois, mais qui était remplie de rigueur. Et ça, c'était caché à l'intérieur du vêtement. Et je pense que c'est un des secrets de Christian Dior, c'est la structure interne du vêtement. La haute couture est en deuil. La porte s'est fermée sur la maison et sur l'appartement du premier couturier de Paris. Christian Dior est mort, terrassé en Italie par une crise cardiaque. Ramené chez lui, il a reçu l'hommage silencieux de ceux pour qui son nom était devenu la marque de l'inimitable. Lancé en 1947, son new look, qui allongeait les robes de 20 cm, avait bientôt fait la loi en Amérique et dans le reste du monde. On lui avait décerné le titre de pape de la couture. Et de fait, chaque saison, on attendait ses nouveaux décrets. Et lorsqu'elle passait par Paris, il était celui chez qui les princesses ne pouvaient manquer de venir. Il meurt en 1957, Christian Dior. Il n'a que 52 ans à ce moment-là. Il est au sommet de sa gloire. Quelques mois auparavant, pour vous donner un petit exemple, il avait fait la une du magazine Time aux États-Unis. Il a déjà, on l'a évoqué, Stéphane Leduc, mais à ce moment-là, construit ce qu'on peut considérer déjà comme un empire. Que devient cet empire? Que devient la maison Dior à la suite de sa mort? J'ose à peine imaginer le sentiment que les gens avaient, parce que cette mort subite devait être terrible, parce qu'une maison de couture, c'est un peu comme une famille. Il aimait cette idée d'avoir une famille autour de lui. Heureusement, l'empire s'est poursuivi. Il avait la chance d'avoir repéré le jeune Yves Saint Laurent, oui, qui avait à peine 19 ans à l'époque. Et ils ont la bonne idée de lui demander de créer une nouvelle collection. Donc, à l'âge de 21 ans, il crée une première collection et on connaît le talent d'Yves Saint Laurent. Et par la suite, il y a eu de grands noms. Il y a eu Marc Bohan qui, pendant 30 ans, a créé. Mais on se rappelle beaucoup de John Galliano aussi, qui a travaillé de 1996 à 2011. Et maintenant, la première femme, Maria Grazia Chiuri, depuis 2016, qui est très innovatrice, qui a une vision très particulière de la mode, mais beaucoup de respect aussi pour Christian Dior, pour son esprit, pour l'amour des fleurs, et ce raffinement et cette féminité également, mais qu'elle amène dans la modernité. Donc, c'est un empire qui est sauvé, je pense, parce que Dior avait établi un ADN, une force et une imagerie très, très forte, très puissante, qui a réussi à inspirer de génération en génération tous les directeurs artistiques qui ont suivi. Stéphane Leduc, journaliste de mode, directeur pédagogique de l'École Promédia, chargé de cours à l'École supérieure de mode de l'Université du Québec à Montréal. C'était un bonheur de vous recevoir. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.